Chapitre 4e. D'un singulier repas que firent Poltronet et Dondin. Le prince Poltronet cheminait allègrement sur son beau cheval à gibbe, le faisant courir de temps en temps pour admirer sa vitesse merveilleuse, et s'arrêta ensuite pour attendre Dondin qui venait tout tranquillement derrière. « Monsieur, dit l'écuyer qui n'aimait pas à marcher sans parler, il me semble que vous entreprenez bien gaiement un voyage que la fée Flamèche vous annonçait comme difficile et périlleux. Le courage vous serait-il venu ? Je ne sais pas, dit Poltronet. Je ne pense qu'à mon but et je ne m'occupe pas des détails. D'ailleurs, j'ai confiance dans les dons de la fée Flamèche. Il faudrait voir, reprit Dondin. Voilà un cheval qui court bien, je ne dis pas non, mais le reste. Poltronet prit une flèche dans son carquois, banda son arc, et lança le trait dans la direction d'un arbuste gros comme le doigt, qui s'élevait à 200 pas devant les voyageurs. La flèche se ficha dans le bois. « Voilà pour l'arc, dit l'écuyer, mais il y a encore une épreuve à faire. « Faisons-la, dit le prince, et il tira du fourreau l'épée flamme d'acier. La lame brilla au soleil et lança des éclairs dont on pouvait à peine supporter la vue. « Essayez de couper en deux cette grosse pierre, dit l'écuyer, en montrant un rocher sur le bord du chemin. « C'est trop facile, dit Poltronet. Il dénoua son écharpe, jeta en l'air le léger tissu qui oscilla au vent comme s'il allait s'envoler. Poltronet tendit l'épée, l'écharpe toucha le tranchant et tomba à terre en deux morceaux. « À la bonne heure !» fit Dondin émerveillé. Après avoir marché quelque temps, les voyageurs se trouvèrent dans une plaine fertile où la vue s'étendait au loin. À leur droite, une large rizière montrait un marais verdoyant où le riz trempait ses tiges dans l'eau qui miroitait par places. À leur gauche, des moissons jaunissantes ondulaient comme une mer dorée. « Voilà un beau pays, dit le prince, et les habitants y doivent vivre dans l'abondance. » Mais en y regardant de près, Dondin s'aperçut d'une chose singulière. Tous les épis du blé étaient vides ou arrachés, et le riz n'était pas en meilleur état. Cette étonnante façon de faire la récolte surprit le prince et son écuyer. Ils arrivèrent bientôt dans une ville, et ils furent bien plus surpris encore en voyant ses habitants. La consternation et la souffrance étaient peintes sur tous les visages. À mesure que les nouveaux venus avançaient, ils entendaient qu'on se disait « Ce sont des étrangers ». Alors un éclair de satisfaction, éteint bientôt par une réflexion nouvelle, venait illuminer pour un instant les sombres figures qui les entouraient. Car peu à peu la foule s'était avancée autour d'eux. Pour échapper à cette curiosité importune, ils s'informèrent d'un endroit où ils pussent demander l'hospitalité, et on leur répondit qu'on allait les mener au palais du roi. Poltronet, avec sa modestie ordinaire, voulait se refuser à cet excès d'honneur, mais on lui répondit que c'était l'usage, et il fallut se résoudre à entrer dans le palais. On les conduisit immédiatement en présence du souverain. Le roi était en train de dîner. Malgré la résistance de Poltronet, il exigea que les deux étrangers prissent place à ses côtés. Dondin s'en réjouit d'autant plus que la table était magnifiquement servie. Un grand nombre de plats se cachaient sous les cloches d'argent qui étincelaient au feu des bougies. On découvrit ces plats et on servit aux convives du bœuf rôti dont la couleur rose et le jus moiré faisaient venir l'eau à la bouche. Cependant, Dondin cherchait autour de lui. « Je vois ce que c'est, dit le roi. Vous voudriez du pain, mais nous n'en mangeons plus. Je lis dans vos yeux que vous désirez savoir pourquoi. Vous le saurez plus tard. » « Trop tôt, » ajouta-t-il en soupirant. Après le bœuf, on servit du veau rôti, puis du mouton rôti. L'étonnement du prince et de Dondin, qui allait croissant, se changea en stupéfaction au dessert. Des pyramides de perdrix rôties s'élevaient dans les corbeilles où l'on s'attendait à voir des grenades et des oranges. Des cuisses et des ailerons de volailles rôties étaient symétriquement arrangés dans les assiettes où auraient dû se trouver les pâtisseries et les petits fours. Tout en grignotant ses friandises, le roi prit la parole d'un air lugubre. « Étranger, le moment est venu de vous donner une explication. » Que vous attendez avec impatience. Mais j'ai voulu vous laisser achever tranquillement ce repas, qui, pour vous, sera probablement le dernier. » Dondin, qui suçait une aile de perdreau, la laissa retomber dans son assiette et fixa sur le roi des yeux écarquillés, qui s'agrandirent de plus en plus à mesure que le monarque avança dans l'explication annoncée. Ce qu'il disait n'avait en effet rien de rassurant pour ses auditeurs. On peut en juger. Le roi qui parlait avait eu naguère une altercation violente avec un roi voisin à propos d'un singe plein de gentillesse qu'il lui avait prêté et que ce dernier n'avait plus voulu rendre. Des lettres avaient été échangées, de plus en plus aigres et injurieuses, et l'emprunteur du singe s'était trouvé si gravement offensé qu'il avait résolu de se venger d'une manière terrible. Or, ce roi pratiquait la magie. « Vous voulez un singe ? » avait-il écrit à son ancien ami. « Eh bien, vous en aurez un. » Et il avait envoyé dans le pays où était maintenant Poltronet un singe monstrueux qui causait les plus grands ravages. Il avait 20 coudées de haut et il était plus vigoureux que 10 hommes. C'était lui qui dévastait les récoltes et son appétit était tel qu'en peu de temps, il avait dévoré tout le blé, tout le riz, tous les légumes, tous les fruits de cette riche contrée. Au point que la famine s'était mise dans le pays. On n'y pouvait plus manger que de la chair, et cette nourriture allait bientôt manquer, puisque les animaux ne trouvaient plus à se nourrir eux-mêmes. On avait essayé de tuer le monstre, auteur de ces désastres, mais le fer s'émoussait sur lui, et les entreprises tentées dans ce but avaient déjà, grâce à son incroyable vigueur et à sa prodigieuse agilité, coûté la vie aux plus braves habitants. Aussi avait-on renoncé à cette chasse trop périlleuse. Seulement, quand des étrangers venaient dans le pays, on les envoyait combattre le monstre. Si, par un grand hasard, ils revenaient sains et saufs de leur première tentative, on les engageait à recommencer le lendemain et le jour suivant. Le soir du 3e jour, on les mettait à mort. De la sorte, on était sûr, en les prévenant d'avance, qu'ils feraient tous leurs efforts pour réussir. « Je suis fâché, » ajouta le roi en s'adressant à Poltronet et à son écuyer, « que vous soyez venu, car il est impossible que vous sortiez vivant d'une pareille entreprise, et votre bonne mine m'a intéressé. » Le prince s'inclina. Dondin essaya de sourire et fit la grimace. « Mais, » continua le roi, « il faut que la loi s'accomplisse. Ainsi, préparez-vous à être mort dans 3 jours, si, comme je ne l'ose l'espérer, vous n'êtes pas mort auparavant. » Là-dessus, il sortit.